hour, even in dream. Yes. power, the people. Now, power to the people. From now, let the people step up, take power. Oh, croire que tu t'es hissé haut. Hissé haut. Battu des sentiers. C'est la fusion des différences. Et pourtant, c'est la able to make noise, able to make sounds, able to share it. Are you able to make? Différents niveaux de lecture, bien sûr, je sais, rends-toi ça dans ta face, la complexité d'être un collectif, to make music. Yeah, we are able to make music. Yeah, we are able. Thank you. patience. Je dois to be loved, just need to control. love. Thank you. ceux qui s'organisent. Mais oui. About to make something with the fingers, with the hands, with the hands. Les rois ne peuvent donner loi. qui même les rois ne peuvent à qui même les rois ne peuvent donner. Thank you. because we know. D'un même espace. Ouais. s'exceller, d'autres s'éloigner. C'est parfait, t'es pas frais. On n'est pas fréquentable et on n'est pas frais quand tu sors. Quand t'es cantonné, car selon nous, des fois, c'est gazé, mais gazé d'ouïe-pierre. Tu peux sortir de cette atmosphère. Tu veux partir. Tu comprends. Séparation. Individuation, tu sais que tu es tout puissant, même si je m'en vais dans le bruissant, dans le vent, le vent. Dans le vent aussi, je m'en vais. Tant pis, tu es tout puissant. Si tu prends les devants, si tu prends la voix, le temps, par le dedans, ouais, tout puissant. Quand tu dresses, quand tu tires sur le haut bord, t'es puissant. Quand tu prends le car, quand tu prends le port, c'est à présent que je m'en veux être franchement. Nos familles, plus ou moins fragiles, laissez. Nous sommes plus ou moins fragiles. Nous sommes plus ou moins agiles. Dans le vent empêtré, nous sommes souvent secoués, agis. Et démentis, nous sommes agiles. Dans les embranchements de la vie, je maintiens la bonne ambiance malgré moi. Affilié, et pas, j'ai commencé de crier. Rentrer dans la file et vois comme je me défile. Sauve-moi.